Bonjour à tous, très chers auditeurs, et bienvenue sur Radio Gémozo, pour l'instant santé bien-être avec les secrets de Mathilde. Les cheveux et la peau, reflets de notre beauté, tout au long de l'année, veillez à les protéger, mais surtout en été. La saison du soleil, de la plage, de la piscine, donc du chlore et du sel. Vos cheveux peuvent vite devenir rêches et secs, et votre peau abîmée à cause des UV. Quelques conseils simples à appliquer pour une chevelure de rêve et une peau protégée, même en été. Tout d'abord, protégez vos cheveux. Si vous êtes exposé au soleil, l'idéal est de se couvrir la tête avec un joli foulard, et pour les hommes, un joli chapeau. Si ce n'est pas au bord de la plage, privilégiez les t-shirts, et les femmes, les kimonos légers, qui protègent les épaules et le dos. Faire la crêpe au soleil n'est pas l'idéal. Plus les années passent, moins il y a de filtres pour les UV. Côté peau, par expérience, je n'ai jamais trop appliqué de crème solaire. Pourquoi ? Car les composantes de celle-ci ne me conviennent pas, et de plus, la plupart polluent. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas se protéger, mais bien faire attention à la composition de vos crèmes. Préférez des crèmes bio, sans nanoparticules. Personnellement, j'utilise de l'aloe vera et le jus de carotte au printemps pour faire le plein de caroténoïdes ou bêta-carotènes, qui sont des puissants antioxydants qui protègent la peau du soleil en luttant contre les radicaux libres, qui sont responsables du vieillissement prématuré des cellules. Sachant que je ne m'expose que peu au soleil. J'adorais cela avant, mais ce n'est plus le cas. Côté cheveux, je vous conseille d'appliquer des huiles végétales. Le top du top, c'est l'huile de coco et l'huile de jojoba. Vous pouvez faire un masque chaque nuit ou alors en mettre légèrement sur vos cheveux avant d'aller vous baigner. Cela les protégera des UV et en même temps, ils seront bien nourris. La santé des cheveux passe aussi par l'assiette. N'oubliez pas votre dose d'oméga 3. Chaque matin, vous pouvez prendre une cuillère à soupe d'huile végétale de votre choix, selon votre humeur, sésame, noix ou avocat. Et si cela vous effraie, au niveau du ressenti dans la bouche, n'hésitez pas à en mettre dans vos salades. Vous pouvez aussi consommer un peu de fruits secs et gras, comme les amandes, les noix ou la noisette, qui vous apporteront aussi des oméga 3, ou encore des avocats. Pensez également à bien vous hydrater. Cela se ressentira fortement sur votre chevelure et votre peau. Infusion de menthe pour vous rafraîchir, fruits gorgés d'eau comme la pastèque ou encore le melon. Et l'eau bien évidemment, citronnée si vous le souhaitez. Voici les conseils de base à appliquer pour vivre cet été en toute sérénité. Si vous partez en vacances prochainement, pensez-y. Je vous souhaite une superbe journée et vous dis à vendredi prochain sur Radio Gémozo.